2, 3, 7, niggas. Capitaine Cool Style. Yeah. Né de la prod est de qualité. Donc les têtes elles vont bouger, les salopes bref, me toucher, les enculés sont tous couchés. Même pas encore au top, ces enfoirés ils veulent me faire couler. Contrairement au Titanic, ils ignorent que j'porte une bouée. Dans ce rap game, j'suis titulaire comme Emmanuel Eboué. À l'échec, tous vos plans seront voués. Normal, comme t'as remarqué, moi j'suis très doué. Comme ton rap préféré, Cool Style, il est pas tatoué. Homophobe, j'ai pas les oreilles percées. Même le jour de mon mariage, j'aurai le baggy baissé. Homophobe, j'ai pas les oreilles percées. Même le jour de mon mariage, j'aurai le baggy baissé. Titanic, Titanic, comme le Titanic, les jaloux veulent me faire couler. Titanic, Titanic, ils ignorent que je porte toujours une bouée. Titanic, comme le Titanic, les jaloux veulent me faire couler. Titanic, Titanic, Titanic, Titanic. Rajouter des billets pour ma tournée. J'ai pris le flow à la fouine pour au mieux vous violer. C'est excitant avec le game, j'arrête pas de m'accoupler. Fuck les relations sérieuses, moi j'aime m'amuser. Ils veulent le feat et j'arrête pas de les contourner. J'ai plus des tubes mais des œuvres exposées dans des musées. Léger, tous ce sont des légers. J'fais pas de cadeaux, n'y a qu'à ma go que j'donne des légers. Des foules dans le rap camère, je viens pour soulever. V, Marseillais, yeah. Donc j'ai droit au but. Même si toutes les femmes étaient mariées, y'aura des putes dans vos oreilles, mais sans cogne comme des hypercutes. J'fais des sauts sur moi, même donc j'fais du culbut. Les couilles pleines pour assez de chiennes. Je survole le game comme le Père Noël avec ses reines. Je survole le game comme le Père Noël avec ses reines. Titanic, comme le Titanic, les jaloux veulent me faire couler. Titanic, Titanic, ils ignorent que je porte toujours une bouée. Titanic, Titanic, comme le Titanic, les jaloux veulent me faire couler. Titanic, Titanic, Titanic, Titanic. Yeah. Seul est le ciel et la limite. Les fils et des putes nous imitent. Des millions dans nos comptes on débite. Salam à tous nos ennemis. Bientôt pour eux c'est la folie. On habite dans des taudis. Sans doute nigga on est maudit. Sans doute nigga on est maudit. Seul est le ciel et la limite. Les fils et des putes nous imitent. Des millions dans nos comptes on débite. Salam à tous nos ennemis. Bientôt pour eux c'est la folie. On habite dans des taudis. Sans doute nigga on est maudit. Sans doute nigga on est maudit. Et ma main t'a bien suivi. La mixtape arrive, 200% game. Capitaine Cool Style, tu reconnais ma main, hein? Eric Powell, Big Shaki, ma main Nidel, Slim Jarrell, ma main Squall, Pascal, Haïm, Taito City, hein? Team 237, hein? Harris Lloyd. Tommy Baker, My nigga Mike Jones.